Y'a la famille pour ça, ouais, la forêt. Oh, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Sonny, elle est là. Eh ben, tu m'as de docteur, elle est là. Aussi. Yo, et tu m'as de ça. Quoi ça? Got ça. Tu vas nous. Vous voulez m'en aller? En Paris. Non, vous voulez m'en barrer? Oui. Ça va alors, allez. Allez. C'est parti, on y va. Yeah. Ça nous l'est bien sapé, et paré pour la fiesta. Y'a que vraiment nous même pédaler, t'es pas. Les boîtes n'est pas violent, on va quand tu vas l'entester. T'as dans le délire, ils y vont l'est. Pour te ne remettre pas ton lit. Si ça trop vite, pour mettre en pompe, t'es la mort, tu vas coller. Et pas quand même mon soldat. Il plaisante pas, t'as tout de l'air pas sur l'opération, t'as dit à dans le sang. Moi, mine à la clé, toute qualité modèle, toute télécrit, toute qualité. Le nom, même à même pas quand touche son clito. Ça on comprend pas les décrypter. Oui, il fait des ordres, oui, il crie. Mais il est un peu crispé. Mi tient la maladie, moi, mi tient même la grippe. Mais il faut qu'on saute des si, il faut qu'on agrippe bien. Mi un peu si, elle dit bien, qu'elle dit aussi, il kiffe bien. Il y a sous cette qui fait le cas, ça va les forts. Y'a pour faire le vice, on est la number one. Mi connaît pour ça, on est fort. Mi qui pousse de tous les formes. Toute qualité, modèle à folle, pas mi réforme. Mais avec moi, on sera pas méprisé. Reste connecté, reste auprès d'apprisé. Mais toute qualité, position, toute qualité prise. Dessus où miné n'a l'emprise. Laisse à nous aller et la glace t'a brisé. Obligé ma dégaine comme fisé. Si dit 10 000 et ça gênera après le temps de piger. Ton cheveu les droites m'y fait friser. Easy, easy, jusqu'à tant que les tombes crisées. Au tombe raide, assois où la bec donne et tu assois où la bec si grand raide. Vous va respecter à moi, on va crier à moi grand maître ou grand mat. M'y espère ou les parer pour encaisse ou de grand maître. La poule est en pégale, laisse aller comme télé. Parer la rivière quand ou en les dans télé. Ou dis c'est moi le roi, ou en mêlée comme pélé. Y'a la famille pour ça, ouais, l'effort. Y'a qu'on fait le vice, on est la number one. Mi connaît pour ça, ou l'effort. Mi qui pousse de tous les formes. Toute qualité, modèle à folle, pas mi réforme. Y'a la famille pour ça, ouais, l'effort. Y'a qu'on fait le vice, on est la number one. Mi connaît pour ça, ou l'effort. Mi qui pousse de tous les formes. Toute qualité, modèle à folle, pas nous réforme. À soi, nous les bien sapés, et paré pour la fiesta. Y'a vraiment nous même pédale, et test pas. Les boîtes, les violons, pas comme tu m'en l'encaisses. Moi, mine à la clé, toute qualité, modèle, toute télécrit, toute qualité. Le nom, mais ma même pas quand touche son clito. Quand ça, on comprend pas les décrypter. Oui, il fait des ordres, oui, il crie. Mais il est un peu crispé. Mi tient la maladie, moi, mi tient même la grippe. Mais il faut qu'on saute des si, il faut qu'on agrippe bien. Mi apprécie, elle dit bien, qu'elle dit aussi, il kiffe bien. Il y a sous cette qui fait le cas, ça va l'effort. Y'a qu'on fait le vice, on est la number one. Mi connaît pour ça, ou l'effort. Mi qui pousse de tous les formes. Toute qualité, modèle à folle, pas mi réforme. Y'a la soi, mi pousse, ou l'effort. Calme ou fait le vice ou la number one. Mi connaît pour ça ou l'effort. Mi qui pousse de tous les formes. Toute qualité modèle à folle pas nous réforme. Y'a la soi, mi pousse ou l'effort. L'effort, on est la number one. Mi qui pousse de tous les formes. Toute qualité modèle à folle pas mi réforme.